Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 135e émission de Rock de Neurones sur les ondes de CIFU FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, la mise en onde, la recherche et le choix musical avec la complicité de Denis Marchand, Noël Douville et Robert Blanchette. Aujourd'hui à l'émission, nous avons Crippled Black Phoenix d'Angleterre, The Flower Kings de Suède, Karmakanik de Suède, Anima Mundi de Cuba, Nemrud de Turquie, RPVL d'Allemagne, Stars About de Pologne et Barracuda Triangle de Suède. On débute ça avec un monstre de la musique progressive. Je parle ici de la pièce Echoes qu'on retrouve sur l'album de Pink Floyd, Metal. Et c'est repris cette année, en fait l'année dernière, c'est repris par la formation britannique Crippled Black Phoenix qui en a fait une version qui est très très moderne et avec quelques petites variables et variations qui fait qu'ils ont produit la pièce en deux parties de 18 ou 19 minutes chacune. Alors on va entendre aujourd'hui un extrait de la partie 1 de Echoes par Crippled Black Phoenix, et on va rester dans le genre avec une reprise aussi d'un autre dinosaure du rock progressif. Cette fois-ci, c'est Genesis et la pièce Cinema Show qui sera rendue par The Flower Kings de Suède. Alors, on débute ça avec Crippled Black Phoenix et c'est suivi de The Flower Kings. Thank you. smells concealing to appeal. I'll make my bed, she said, but turned to go. Can she be late for her cinema show? Thank you. Alors, c'était Cinema Show par la formation The Flower Kings, la formation suédoise. Et cet extrait provient de l'album The Road Back Home, qui est une compilation que le groupe a faite en 2007. Et auparavant, nous avions entendu la pièce Echoes, originalement de Pink Floyd, mais ici, aujourd'hui, interprétée par Crippled Black Phoenix. Et c'est extrait du septième et avant-dernier album du groupe The New Dark Age. D'ailleurs, le groupe vient de faire paraître un nouvel album, Bronze, que j'attends d'une journée à l'autre, et puis on en fera jouer probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Quoique la semaine prochaine, j'ai une petite émission spéciale qui va être consacrée à du rock progressif italien de 1973. Alors, je m'attends, je suis en train de compiler la dernière version de l'émission, et j'ai actuellement une quinzaine d'artistes qui ont eu comme point en commun de produire un album en 1973 en Italie. Ça sera la semaine prochaine. Alors, après la publicité, nous aurons Car Mechanic de Suède. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, si vous avez aimé la dernière pièce du premier bloc par The Flower Kings, vous allez sûrement aimer la pièce que je vous propose de la formation qui provient de la Suède, Car Mechanic. Car Mechanic est composé d'anciens membres de Flower Kings et de Tangent. Ils ont un cinquième album studio qui est paru en 2016, donc il y a quelques mois. L'album s'intitule Dot, et on va entendre la pièce la plus longue de l'album, God, the Universe and Everything Else. Alors voici Car Mechanic. Angel dust. mantle and the cross. Planets with the sun, created one by one, shaping cosmic wheels. Angel dust, fire and flames. Rain of God, a playmaker's game. Time and time again. Come save our souls, where all there is and all there was. lost in time and space again, surfing on a beam in a cosmic stream. I'm the sorceress king of starlight, hovering o'er a silver moon, aimless in my dream. It is so unreal. Forever I will cruise among the brightest stars. From that crash down to the bone, to the bone. chuckle silent grace. Step by step. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est Karmakanik de Suède avec la pièce God, the Universe and Everything Else. C'est extrait de Dot qui est paru il y a quelques semaines. Après la pause, Anima Mundi de Cuba et Nemrud de Turquie. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le troisième bloc avec une formation de Cuba du nom de Anima Mundi. On l'a déjà fait jouer à l'émission. Cet album-là est paru en juin et il s'intitule I, Me, Myself. Et on va entendre la pièce, Train to the Future. Et ça sera suivi de Turquie, Nemrud de Turquie, avec un extrait de l'album qui est paru aussi à la fin du printemps. Alors, on débute ça avec Anima Mundi. forget the night brings me the breeze. Thank you. of God, the first sun. Through the darkness, lion will come. Thank you. violence rage starts spreading the standing ground. Godless men will lie down. What? Alors, c'était de Turquie, la formation Nemrud, avec la pièce Lion of Comagen, et c'est tiré de l'album éponyme qui est paru cette année, en 2016. Ça s'avère être le troisième album du groupe. Ça a été précédé par Anima Mundi et la pièce Train to Future. C'est un groupe de Cuba, et la pièce est extraite de l'album qui vient de paraître, I, Me, Myself. Ça se trouve à être le sixième album studio du groupe. Après la pause, RPVL d'Allemagne, Stars About de Pologne et Barracuda Triangle de Suède. Alors, on débute le quatrième bloc de l'émission, le dernier pour aujourd'hui, avec la formation allemande RPVL. Et RPVL, c'est un groupe qui existe depuis 2000. Ils ont 6 albums studio à leur actif et on va entendre une pièce qui est tirée d'un album live. C'est l'album RPVL Plays Pink Floyd et on va entendre la pièce de Narrow Way. Ça, c'est une pièce originellement faite par Pink Floyd qui apparaît sur l'album Uma Guma. Ensuite, on va du côté de la Pologne avec un nouveau groupe du nom de Stars About. Ils viennent de faire paraître leur premier album Half Lights et on va entendre Bluebird. Et on va conclure avec un groupe de la Suède, un groupe du nom de Barracuda Triangle. C'est le... En fait, ils ont un album qui est paru en 2014. L'album s'intitule Electroshock Therapy et on va entendre Too Much Therapy. Faces show their sympathy they've seen that hope before. And if you want to stay for a little bit, rest your waking limbs for a little bit before you the night is beckoning. You hear the night birds calling you, but you can't catch the words they say. Close your waking eyes, be on your way. Miss the swirling creatures crawling, hear the roar get louder. Your own, but the force behind can't conquer all your fears. And if you want to stay for a little bit, rest your aching limbs for a little bit. To the time when there was life with every morning. Perhaps a day will come when the light will be as clear as on that morning. And if you want to stay for a little bit, there's a bluebird in your heart that may not survive, and I want you to know today.

Alors, vous venez d'entendre Barracuda Triangle de Suède avec la pièce Too Much Therapy et c'est extrait de l'album Electroshock Therapy qui est paru en 2014 et ça a été précédé d'une nouvelle formation polonaise du nom de Stars About. Et je vous avais fait entendre la pièce Bluebird et c'est extrait de Half-Light qui est leur nouveauté en fait qui est paru il y a quelques semaines. Et on a débuté ça avec RPVL. Une formation allemande qui nous propose une réédition de quelques pièces de Pink Floyd en spectacle avec l'album RPVL Plays Pink Floyd et on a entendu The Narrow Way qui fut originalement enregistré sur l'album Uma Guma. Alors ceci met fin à l'émission et je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones si vous voulez avoir la liste de toutes les pièces que vous avez entendues aujourd'hui. Et vous pouvez réentendre aussi l'émission grâce à un lien vers SoundCloud. De plus, sur la page Facebook de l'émission, vous allez trouver une référence, en fait un lien vers les 70 émissions qui ont été archivées. Vous allez aussi trouver certains liens, par exemple sur une liste des 110 meilleurs albums de rock progressif italien selon votre humble animateur. D'ailleurs, à ce titre, la semaine prochaine, je vous propose un petit spécial sur le rock progressif italien. Je suis en train de compiler une liste de pièces qui ont été produites en 1973. 1973 qui est en fait une année assez mythique dans le rock progressif, non seulement en Italie, mais un peu partout. Et j'ai actuellement trouvé une trentaine de groupes et notamment Les Ormés ou Métamorphosi. On entendra certaines raretés aussi comme Dede Lind ou Alpha Taurus, Festa Mobile, High Califi, Enéad. Alors j'ai actuellement 2 ou 3 heures de musique que je suis en train de bisouner, comme on dit, et puis je vous propose de vous joindre à moi la semaine prochaine pour cette émission spéciale. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.